Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. L'horoscope avec Monsieur Rémy. Bonjour Rémi. Bonjour à vous. Bonjour chers auditeurs de C'est fou 89.1 FM. J'ai aujourd'hui concocté pour vous une recette miracle pour tomber en amour. Écoutez, j'aurais pensé le faire pour la Saint-Valentin, mais j'ai cru bon d'abord vous habituer avec mes chroniques d'horoscope pour qu'on se prépare et qu'on s'en aille vers quelque chose d'intéressant. Et comme c'est souvent des hommes qui animent assez fou, la plupart du temps, j'ai rien contre ça, j'adore beaucoup les voix masculines. Je suis toujours content d'entendre les voix féminines aussi, mais je sais que la plupart des auditeurs sont des auditeurs masculins, je pense, avec les derniers sondages que j'ai vus, tout à fait légal et officiel. J'imagine. Par contre, je me suis dit, ces hommes-là veulent sûrement tomber en amour, et comme c'est la Journée internationale de la femme aujourd'hui, on va en profiter pour diriger un peu nos relations amoureuses et amicales avec notre horoscope. Alors évidemment, c'est toujours pratique de savoir la date d'anniversaire des gens. Aujourd'hui, la magie de Facebook, depuis quelques années, nous permet évidemment de connaître souvent la date d'anniversaire de la personne et même... De savoir si elle est célibataire ou en couple. Et même de savoir si elle est célibataire ou en couple. Alors, on a tous les éléments clés pour trouver l'amour selon l'horoscope des gens. Alors, j'ai pensé prendre en exemple, comme à l'habitude, Charles-André Lambert, notre collègue ici même au Dîner de cons. On sait qu'à chaque mardi, ma vie personnelle est carrément traînée sur la place publique pour le bénéfice des auditeurs. Je n'ai aucun problème avec ça. Sachant trop à quel point Mathieu pourrait être à l'aise et sachant même pas si Mathieu est en couple ou pas, j'ai pas vérifié sur Facebook encore. Alors, je vais devoir passer par Charles-André d'abord. Charles-André, je lui avais parlé récemment devant une allée de crème glacée dans un Super C quelconque de la ville de Trois-Rivières. Oui, il me demandait conseil sur la sorte en tant que telle, oui. Vanille ou chocolat. Et moi-même étant en couple, j'ai dû finalement me trancher vers la vanille et prendre de la sauce au chocolat pour mettre sur ma crème glacée à la vanille. Mais c'était d'ailleurs ma suggestion, la crème glacée à la vanille, étant donné qu'on peut justement la garnir plus aisément. Mais bon, poursuis, je t'en prie. Mais merci d'ailleurs pour le conseil, c'est tout à fait pratique et j'ai bien hâte de manger de la crème glacée avec ma conjointe. Pour l'instant, Charles-André, je me rappelle jamais de ta date d'anniversaire. Écoute, je le demande presque à chaque émission. C'est le 13 octobre 1986. Alors, comme on est au 13 octobre, ton signe astrologique, on va se fier maintenant à l'ancien horoscope, donc on oublie Balance. La serpentaire une fois de plus, parce que, évidemment, tous mes ouvrages datent de avant ma naissance. Donc, de toute façon, c'est encore contesté, là, comme... Comme initiative. Moi, je me fie toujours au Journal de Montréal pour ce qui est de l'horoscope, au départ. C'est là où j'ai vraiment appris dans ma tendre enfance à me fier à l'horoscope. Et le Journal de Montréal est encore à 12 signes astrologiques, donc on oublie complètement le serpentaire. C'est un modèle. Alors, on sait que les journalistes qui travaillent actuellement au Journal de Montréal sont émérites. Il en reste deux, trois, je pense, au moins. Sont émérites et se fient eux-mêmes à leur propre horoscope pour pouvoir écrire leurs nouvelles, évidemment. Ouais. Exactement. Charles-André, donc, tu es un signe de... Balance. Tu es le signe de balance, évidemment. la balance, elle, en fait, c'est un signe qu'on a déjà décrit auparavant à l'émission dans mes chroniques. Par contre, je voulais savoir, est-ce que tu as, sans nommer de nom nécessairement en onde, est-ce que tu as pensé en tête à quelqu'un ou quelqu'une peut-être plus qui pourrait être l'élu de ton cœur, mais tu ne sais pas si votre horoscope vous le souhaite? Oui, certes, oui. Une jolie et jeune demoiselle. Et cette jeune demoiselle, as-tu une idée de son signe astrologique? Un instant. Je vais aller... Tu parlais de Facebook tantôt, c'est toujours utile. Oui, exactement, on va aller voir ça. Mais mettons, j'ai candidate A, B, C. Laquelle que tu veux que je choisisse? On va y aller avec la candidate B, évidemment. B pour bonheur et B pour... Oups, je suis sur Wikipédia, B. Ça sera pas long. Parce que A, B, C pourrait être beaucoup d'autres choses que simplement des ordres alphabétiques. Par exemple, on peut penser à un bonnet. Et là, je parle pas un bonnet de douche ni un bonnet de nuit, mais peut-être plus un bonnet de soutien-gorge. Je voulais pas le dire en ondes, parce que ma mère, des fois, écoute la radio. Mais quand même, c'est dit. Alors, du B, c'est bien, du C, c'est correct, et du D, ça déborde. Alors, évidemment, on reste là. Mais parlons-en, puisque c'est la journée de la femme aujourd'hui. Écoute, je me laisse aller, mais quand c'est des hommes qui parlent des femmes, c'est rarement les bons mots choisis. On dirait que les femmes, souvent, ils pèsent nos mots un peu trop. Oui. OK, j'ai une date, ça sera pas long. Laissez-moi juste 30 secondes, puis pendant ce temps-là, j'aimerais ça... Mais tu peux me donner la... J'aimerais ça que Mathieu me chante Oncle Georges, là. Frère Jacques, pardon. C'est quoi après? Dormez-vous? Dormez-vous. Sonnez les matines. Ding-dang-dong, ding-dang-dong. On sait que c'est une des chansons qui est les plus traduites dans le monde. Ah, hein? Oui, on pensait que comme la Bible est un des livres les plus écrits dans le monde. Mm-hmm. Eh bien, la chanson Frère Jacques... Brother Jacob, j'imagine. Ah oui, c'est du... ben, peut-être Jackie Boy. En tout cas, il y en a beaucoup. J'en ai entendu en allemand, en finlandais, en finnois, en fait. En tout cas, en tout. Le... Je me demande si Ding Dong Dong sonne pareil dans d'autres pays. Parce qu'on sait que, mettons, un chien va japper, ça va faire wouf wouf en français, mais en anglais, c'est quoi? C'est... Écoute, en anglais, un chien, ça fait... ça bark. Bark, c'est ça, bark. Bark, bark. Alors, on sait qu'il y a W-O-U-F. Arf. Ce qui est intéressant, c'est le mot ananas. Oui. Un ananas. Tu pensais que ce serait ananas? Ananas, mais c'est pineapple. Mais curieusement, dans beaucoup de langues latines, mais des langues aussi scandinaves, ananas revient. Ah. Écrit de la même façon. C'est comme si l'anglais avait été une des seules langues où le mot ananas ne dit pas ananas. OK, j'ai... Mais là, j'ai un signe astrologique. Ceux qui viennent de se mettre en onde sur les ondes de CFU 89.1 FM. C'était long. Hein? On est toujours à l'horoscope avec Rémi. Et j'ai demandé à mon collègue Charles-André Lambert, ici même en onde en studio, de me donner le signe astrologique... De la candidate B. De la candidate B de son cœur, une peut-être heureuse élue. Et c'est ce qu'on va voir, lui, est en balance. Donc, essayons avec cancer. Alors, balance et cancer. Tu vois, ce que j'ai dans mes mains, c'est l'Astrologie de l'amour, un livre qui date... écoutez, il était vendu 161 francs belges à l'époque. C'est un livre d'époque. C'est un livre d'époque. Genre de livre où l'auteur n'a même pas écrit son prénom. On parle de avant 2000, évidemment. En fait, je pense que c'est avant ma naissance et je vous dirais que j'ai 23 ans. Alors, l'homme balance... Et là, tu me répètes, excuse-moi, Charles-André, je suis mélangé dans mon cahier. Oui, admettons une femme cancer. Admettons l'homme balance avec une femme cancer. Vois-tu, c'est une union fréquente, heureuse et profonde. Malgré les différences de caractère, quelque chose vous pousse l'un vers l'autre et vous lie. Vous serez d'excellents parents et vous ne laisserez abattre par aucune difficulté. Wow! Et là, comme ça, on se pense que tous les duos vont bien fonctionner. Mais par exemple, si on avait l'homme balance en amitié avec quelqu'un du cancer, vous avez ensemble de longues conversations sur n'importe quel sujet. Vous savez tous les deux écouter attentivement et intelligemment. Vous avez aussi des idées originales. Ce sont aussi d'excellents rapports de travail, d'études, etc. Alors, on voit que le duo balance-cancer peut bien fonctionner. Tout à fait. Souvent, c'est qu'on a comme nos signes complémentaires, les signes qui fonctionnent bien aussi avec nous. Mais c'est pas toujours le cas. Par exemple, il y a des fois des duos qui vont qui se confronter. Des fois, des doubles signes. Par exemple, lion-lion, ben, les deux veulent être le chef de la jungle, le roi de la jungle, et ça finit par se combattre. Mettons avec une autre balance, qu'est-ce que ça donnerait? Ah, alors là, Charles-André est très content. Puis en plus, les filles peut-être écoutent en ondes présentement et sont curieuses de savoir la réponse. L'homme balance avec la femme balance. Pendant certains moments, vous vous aimerez beaucoup, puis parfois, l'ennui vous submerge, vous suffoque. Vous avez besoin de beaucoup sortir, de voir beaucoup de gens, de voyager. Vous vous ressemblez trop. Seul, vous risquez de vous endormir. Oh. Alors, si vous êtes les deux seuls et vous n'avez pas des amis autour, vous allez vous endormir. OK. Je sais pas si c'est un phénomène physique, naturel. Mais est-ce qu'on dort longtemps? Jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui arrive pour briser l'espèce de charme de la belle au bois dormant. Que le cellulaire sonne ou je sais pas trop, que le chien du voisin jappe trop fort, que quelqu'un passe sa tondeuse. Mais est-ce que c'est un sommeil profond? Écoute, peut-être qu'on pourrait essayer ça avec les gens qui ont des troubles du sommeil. Oui, tout à fait. On parlait au fond de méditation puis de relaxation. Écoutez, on revient dans le sujet constamment. Le sommeil est très important dans les relations amoureuses, semble-t-il. Je suis toujours fasciné par cette science qui est la divination, Rémi. Et je dois avouer là, que à chacune de tes chroniques, tu me surprends en nous amenant plus loin sur le sentier de cette science-là. Écoute, moi-même, je me suis prêté au jeu en décidant de faire une chronique astrologique. Et je découvre, en trouvant des vieux ouvrages, toujours des choses intéressantes. C'est certain que pour moi, en ondes, c'est difficile là, aujourd'hui de faire l'astrologie de l'amour pour tout le monde. Mais par exemple, si on prend, on va aller s'amuser un peu. Puis on va essayer de trouver la femme balance en tant que telle. Comment elle est, la femme balance? Ah, c'est et pas une mauvaise idée. Et on dit, les balances aiment avoir des partenaires beaux et sains. Et ils sont eux-mêmes adeptes des régimes, des saunas, des massages, des cures de beauté. Alors, s'il y a des femmes balance qui nous écoutent présentement, écoutez, c'est peut-être la journée pour vous gâter aujourd'hui d'aller dans un spa ou quelque chose du genre. Puisque c'est la journée de la femme, ce sont des esthètes et leur œil critique s'aperçoit de la moindre discordance, de la moindre fausse note. De même que leur oreille est sensible au ton trop aigu, au volume trop fort, une voix désagréable casse son érotisme autant qu'un vêtement vulgaire, un maquillage excessivement lourd ou une coiffure laide. Pour les balances, la vie est équilibre, confort, plaisir. Ils essaient d'éviter les disputes et détestent les gens agressifs. En amour, ils fuient les scènes passionnelles. Pour eux, les colères ne sont pas un assaisonnement nécessaire pour rendre un couple plus vivant, mais une raison suffisante pour prendre la clé des champs. Donc, on voit que c'est des femmes vraiment à part des autres. Hein. Elles n'aiment pas le conflit ou ces choses-là. Moi, je comprends pas ça. Je veux dire, je trouve ça... vraiment, vraiment particulier là, ce que tu nous décris. En fait, là, tu vois, ça, c'est une ça, personne c'est la violence en général, qui n'aime là. Pas les conflits puis la violence. Moi, je suis autant un fan, vous le savez, d'astrologie qu'un fan de mathématiques. Et selon les mathématiques, je peux dire que c'est un 12e seulement de la population mondiale, mais c'est quand même un 12e de la population qui serait balance. Alors, on généralise tout de même sur un 12e de bientôt 7 milliards d'êtres humains. Alors, il faut quand même faire attention. Je veux dire, c'est littéralement l'inverse de la généralité de dire d'une personne qu'elle n'aime pas tout ce qui est désagréable. Je veux dire, aimer les choses désagréables, c'est d'une normalité. Ah ben ça, encore là, c'est le masochisme de chacun. J'aimerais ça que tu nous répètes ce que tu lisais, là, s'il te plaît. Je m'en vais vers la femme balance précisément maintenant. La femme balance qui aime être courtisée. Attention, là, ça devient intéressant. Qui aime être courtisée autant que l'homme, cette femme balance-là est facilement la proie d'amants sans scrupules qui se servent d'elle sans qu'elle ne s'en rende compte. Alors attention, mesdames, c'est aujourd'hui votre journée internationale. Faites attention si vous êtes balance née entre le 24 septembre et le 23 octobre. Soyez vigilants. Surveillez-vous, s'il vous plaît. Et messieurs, au contraire, profitez-en si vous connaissez une balance. Sur le plan sexuel, vous avez sûrement déjà compris que les balances ne savent pas avoir de ressort ni aucune brutalité. Mais cela n'implique pas qu'ils n'apprécient pas une certaine dose de brutalité chez leur partenaire. L'idéal serait une compagne ou un compagnon parfumé, très belle, avec une peau très douce, qui porte des dessous très chics et qui s'amuse durant les préliminaires, pour ensuite devenir tout à coup passionnel. Alors, mesdames Balance, écoutez, vous vous êtes senti touché par ces paroles, j'en suis certain. Je pourrais, si vous le voulez, continuer comme ça encore très longtemps. Là, je suis éberlué par la précision pointilleuse de cette science-là, qui, encore là, je veux dire, à part les femmes Balance, aiment les gens à la peau douce. Je veux dire, tout le monde, sinon, aime les gens à la peau rugueuse. Oui, évidemment. Écoute, tu vois, c'est un ouvrage qui est précis, pointilleux, et qui sort les détails de chaque personnalité qu'on retrouve autour de la planète. Ce que je fais avec les gens souvent, c'est que j'invite les gens à aller sur la page Facebook, évidemment, du Dîner de con. Alors, c'est fou.ca, on clique sur le lien du Dîner de con, on retrouve la page Facebook et sur le wall directement, donc sur le babillard de la page Facebook. Je vous invite à écrire vos signes astrologiques et faire des duos. Je sais qu'il y a déjà des matchs d'amour qui se font sur Internet, mais c'est beaucoup plus intéressant. Je vais le personnaliser, puis je vais sûrement m'amuser à être le plus précis possible grâce à mes ouvrages scientifiques que j'ai dans mes mains, écrits en Belgique il y a de cela une bonne trentaine d'années. Mais les Belges sont des spécialistes de cette science-là, la divination? Oui, et du chocolat aussi. Oui, alors, tout à fait. C'est on deux sait que choses, les deux vont ensemble. Évidemment, vont ensemble. En Journée internationale de la femme, j'invite tout homme, balance ou pas, à donner du chocolat aux dames. On sait que les femmes préfèrent le chocolat au sexe. Ah oui? Ben écoute, c'est des statistiques internationales qui nous l'ont prouvé. Et ton expérience. Et ben oui, un petit peu. À chaque fois que tu visites notre studio, tu nous amènes des informations absolument incroyables. Je veux dire, si c'était pas toi, là, j'aurais de la misère à le croire. Ah ben écoute, c'est ma crédibilité qui passe. C'est mais, la barbe. C'est la barbe, je pense, oui, parce que les auditeurs en studio, évidemment, ceux qui n'ont pas d'écran, comme on l'a mentionné plus tôt, ne peuvent pas savoir que j'ai une barbe, mais j'en ai une. Mais écoutez, ça se coupe. Ça peut toujours se régler si vous avez un signe astrologique qui demande que je me coupe la barbe. Est-ce que la crédibilité en souffrirait? Ah, ça c'est moi, à je pense savoir, que oui. Hein. Regarde, mettons, le docteur Mayou, là, il serait pas mal moins crédible sans sa barbe de 8 pieds je de long. Je pense vraiment que c'est les béquilles du docteur Mayou qui nous font le croire plus que la barbe. Ou les mognons, peut-être? Un mélange de toutes choses. Écoutez, messieurs, c'est tout le temps que j'avais pour vous. J'espère que vous avez apprécié cette petite chronique. Je sais qu'on parle beaucoup de la vie de Charles-André Lambert, mais tout de même, c'est un exemple. C'est un exemple, justement, que vous pouvez utiliser pour... Tout à fait. Pour comprendre le schéma là, de la divination. Dans ce schéma-là, en fait, ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a des partenariats qui se font mieux que d'autres et certains qui sont plus faciles en amitié qu'en amour. Alors, mesdames comme messieurs, c'est important de vérifier votre astrologie et celle de votre futur partenaire ou de votre prétendant ou prétendante. Pour être certain que le couple fonctionne. Pour être certain que ça puisse fonctionner. Et peut-être ça va vous dire que c'est simplement passionnel ou plutôt que c'est quelque chose de profond et qui durera pendant de nombreuses années. Heureusement qu'on a un guide auquel se fier ainsi, là, comme ça. Écoutez... Sans ça, on serait des pauvres âmes perdues qui voguent à la dérive dans un océan d'existence. Ce fut un plaisir pour moi de vous aider, messieurs, sur la longue pente. Et Mathieu, écoute, on s'en parle tout à l'heure après l'émission, si tu veux, pour que je puisse t'aider dans tes périples amoureux et amicaux. Parfait, merci beaucoup. On est très ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi et son horoscope. Monsieur Rémi. Toujours très plaisir, intéressant. Soyons polis, oui, toujours. Allô? Allô?